Les courants de Tanis par Eric Arasim. Les mythes s'effondrent, se morcellent, telles les pierres enfouies dans la plaine étrangère, où les légions de sable sculptent les lames d'eau limpide remontant des fonds du delta thébéen. Nul n'ignore l'épreuve du temps sur les sphinx érodés. Au large de Tanis, la cité monde, achevée par les vagues éternelles de suffocantes chaleurs, nous enrobe, nous caramélise, nous lyophilise, comme des dattes desséchées par le camsin hurlant. La ville invisible nous aveugle d'ignorance, à rendre confuse toute langue, désagrégation progressive, indifférence pour les tombes des scribes, des saints, des prophètes, au regard tourné vers le solstice. Genèse vertigineuse, offerte aux intempéries attendues ici-bas, à la découverte des sanctuaires bitumeux, abandonnés par les archéologues séniles, sous les dunes cristallines où gisent les esprits viscéraux, de la terre promise aux Hébreux exilés depuis au moins 3 millénaires. J'ai quitté l'automne sur le chemin des Chartreux, quand le ciel sans maître invective le terroir de sa foudre féroce. Au voisinage des parcelles, des horizons feuillus, s'esquisse l'ailleurs, cette surface tendue vers d'autres effacements. Dans l'immédiat, autour de soi, une brume laiteuse masque la solutrée. Cette ultime couche picturale qui couvre les yeux d'une cécité frontale, à ne plus distinguer l'opacité des vignobles et la roche calcique. D'autres couches encore, minérales, tectoniques, espace limite au-delà de la toile posée, des parcelles ruinées, envahissantes, où rien ne pousse. Pour que s'accomplisse le théâtre promis aux feuillages hostiles, rampant au milieu des ceps décharnés et des mazets de pierre. Rare lieu pour défaire le monde ou en découdre dans un linceul de lin, froid, immaculé, couvrant les eaux fragilisées de nos aïeux. Ne jamais oublier les murs de l'abside qui recèlent les substances anciennes, les libations, et supportent la grande verrière lumineuse aux vitres brisées, abritant la glycine envahissante du buffet de la gare désaffectée, aux dalles usées par les pas des voyageurs absents et des pèlerins en retard. Simples ombres faisant fuir les étourneaux en toute bonne foi. Étant donné un corps anonyme, gisant là, poings serrés, bouche ouverte, en chair sèche et en os, face tournée au soleil, offrande anatomique aux prêtres, aux savants, habité par un désir de survie, passage limite éternellement. Machine de chair en péril, égaré, humain irréel, devenu objet muséal, motif du récit hiératique, les parois de la tombe masquent les viscères de cire et les peaux badigeonnées d'onguent. Obstétrique renaissante, esthétique finissante, au large de Tanis. Événement mineur, un matin, comme un parfum, d'ici et d'ailleurs, réapparu dans ma mémoire par de délicates attentions. Du flacon s'échappe la part des anges. Les effluves dansent comme des dieux incarcérés dans leur autel de marbre. Tendresse suprême, attendre le moment propice pour plus d'aisance dans les gestes, afin de mettre à l'épreuve cette tragique espagnole. Toute carte invente le monde. Quand ils seront devenus admirables, espoir unique au jour lointain, quand ils seront devenus sages comme des plantes âgées, bienfaisantes, leur grandeur sera incommensurable au-delà du temps qui les soumet chaque jour aux médias. Image évocatrice, objet convoité, enjeu de pouvoir sur le terrain des guerres froides, diversité des points de vue, stratégie du possible, la conclusion des forces paraît s'imposer sur le plan dessinant notre destin. Ici se terminent Les courants de Tanis par Eric Arasim. Illustration musicale de Pascal Moncarelli. Enregistré par Christian Johan sous licence CC BY NC ND.